dois tout, moi l'enfant de la halle. Vous m'avez dit, il faut te marier. Et par devoir, tendresse filiale, j'ai consenti sans me faire prier. Mais je ne sais à quoi cela m'engage, si ça me plaît ou si ça me sans plus attendre. Il est trop tôt. En vérité, nous pouvons encore nous rendre à la municipalité. Ah, pour moi, dans cette journée, chaque minute est une année. Rendons-nous-y tout doucement dans le temple de l'Hyménée. J'attendrai plus patiemment. Allez-y, que ce temple se porte.